Les essentiels sur C'est fou 89.1. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Les Essentiels, une nouvelle émission de C'est fou présentée chaque semaine par vos dévoués Cam et Damien. Tout de suite, c'était l'émission Respecte les dauphins chaque samedi après-midi. Les Essentiels, c'est à chaque émission l'occasion de découvrir ou de redécouvrir un artiste, un groupe ou même un genre musical. Nous serons ensemble tous les samedis soirs de 17 à 19h et s'il y a des artistes que vous voulez nous faire entendre ou nous faire connaître, n'hésitez pas à nous contacter via le site du show, sur le site web de la radio c'estfou.ca. On commence cette semaine en vous présentant le groupe mythique de la scène New Wave anglaise, Joy Division. Le groupe mythique initiateur de la Cold Wave, qui en inspirera plus d'un. On peut prendre comme exemple Nine Inch Nails, Depeche Mode ou même The Cure. Tout de suite, on débute avec trois titres apparaissant sur le premier maxi de Joy Division. On commence donc avec No Love Lost, tiré du maxi An Ideal for Living. Sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est fou, 9.1. I need it. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults. But I can see all the faces, just a stick in your throat. P1G, P1G, P1G. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right side of reason, to kill the feelings for one. I can see all the cold facts, I can see through your eyes. All this told me no contact, no matter how hard we try. P1G, P1G, P1G. Retour sur C'est Fou, on vient d'entendre Joy Division avec le morceau intitulé Wosso, apparu sur le maxi An Ideal for Living, édité en 1978. Juste avant ça, nous écoutions Fellers du même album, et au début du bloc, c'était No Love Lost, un morceau faisant référence à l'enfermement dans les camps de concentration. Le groupe s'appelait à ce moment Wosso, mais avec une formation musicale nommée Wosso Pact, celle-ci leur demanda de changer de nom. Ainsi, le nom Joy Division proposé par Ian Curtis gagna. Le nom Joy Division fait référence lugubre, excusez-moi, c'est vrai que les textes sont difficiles à lire certaines fois. Le nom Joy Division proposé par Ian Curtis, le chanteur leader gagna. Le nom Joy Division référence lugubre adhère au style post-punk et cold wave du groupe, c'est-à-dire désespéré et torturé. Ce choix provient en effet de la lecture de la nouvelle The House of Dolls, écrite par Yehiel de Noor, ancien déporté et publiée en 1956. Division de la joie, la translation française de Joy Division. Division de la joie est l'expression donnée par les nazis au système qui autorisait, au sein des camps de concentration, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'exploitation des jeunes femmes juives déportées comme esclaves sexuelles. Ce nom leur a valu d'ailleurs une fausse image de groupe nazi. Ainsi, il n'était pas rare de voir à certains de leurs concerts des groupements de fanatiques causant pas mal de bagarres. Vous êtes à l'émission Les Essentiels en compagnie de Cam. Et Dame. Yeah, Dame, jusqu'à 19h. Alors, Joy Division, pour la petite histoire, a été formé en 1976 au cours d'un concert des Sex Pistols tenu à Manchester. C'est à ce moment que Ian Curtis a rejoint le groupe qui restera composé de ce dernier au chant. Bernard Summer à la guitare et au synthétiseur, Peter Hook à la basse et enfin Stephen Morris à la batterie. Bernard Summer a d'ailleurs toujours voulu chanter, mais il lui était totalement impossible de jouer et de chanter en même temps. Ce qui laissa largement la place à Ian Curtis d'être le leader du groupe. On va maintenant passer au second maxi du groupe sorti en 1979. Ce sont des enregistrements faits à la radio BBC de Manchester. Ils sont regroupés sous le nom Pill Session. Donc nous commençons tout de suite avec le morceau Sound of Music sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières. C'est fou, 89.1. Thank you. depuis 10 ans. Vous êtes toujours sur C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Nous venons d'entendre Exercise One, puis précédemment 24 Hours, et au début du bloc, Sound of Music. Nous sommes toujours sur les essentiels, Cam et Dame, ce soir jusqu'à 19h. L'ensemble des textes de Joy Division a été écrit par Ian Curtis, le leader du groupe. Et Joy Division est vraiment le plus grand groupe de New Wave de l'histoire, qui a inspiré de très grands groupes comme Depeche Mode. Et pour la petite histoire, le groupe a passé pour la première fois à la télévision en 1979 dans l'émission de Tony Wilson. Et Tony Wilson est devenu le producteur du groupe. Et la chanson qui a été diffusée ce soir-là, c'est Shadow Play, qu'on entend tout de suite. C'est ça, c'était Shadowplay, mais une petite précision, Tony Wilson a monté l'entreprise Factory. Factory Records, une grande boîte de distribution. Et d'ailleurs, il y a un film assez intéressant sur l'ensemble de la vie de Tony Wilson, avec un court passage, justement le premier passage du film, c'est sur Joy Division, où on retrace très rapidement sa vie, mais la BO de ce film est absolument géniale. Mais comme tu le disais, on retourne sur Joy Division, sur l'essentiel, avec maintenant Shadowplay. Shadowplay.

De l'UQTR, tradition d'excellence. Salut, je m'appelle Daniel Dupont et je suis étudiant en mathématiques et membre de l'équipe de soccer des Patriotes. t'invite à venir nous voir tout au long de la saison 2008-2009. Soit de la partie, soit patriote. Pour une création unique, service personnalisé, entrez dans les tentacules de la pieuvre. Maintenant, service de perçage disponible. Pour des tatous que vous ne trouverez nulle part ailleurs, parce que le tatouage se doit d'être personnalisé, car c'est bien plus que de l'encre. Tatou Pieuvre, 1357 A, Centre-Ville Trois-Rivières, 819-701-1021. Ou visitez-nous sur le net au tatoupieuvre.com. Salut, ici Gaëlle. Au printemps dernier, j'ai eu le plaisir de participer au festival Vue sur la relève présenté par Loto-Québec. Une expérience unique. Le festival aura lieu à Montréal du 7 au 18 avril 2009. J'invite tous les créateurs en chanson, musique, danse, théâtre et autres disciplines à proposer leur spectacle. Inscrivez-vous en ligne avant le 22 octobre à vuesurlarelève.com. Vue sur la relève, un tremplin pluridisciplinaire pour nous les artistes. Vendredi après-midi à 13h, plongez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. Led Zeppelin. Yes! Deep Purple. Aerosmith. AC/DC. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Tous les vendredis après-midi de 13h à 17h sur les ondes de CFOU 89.1. Vous êtes au 89.1 sur la bande FM. CFOU dans vos oreilles. CFOU partout. Vous écoutez l'émission Les Essentiels. Avec ce soir une spéciale Joy Division. Oh, j'adore ta façon de doubler Homer Simpson. Alors, juste avant la pub, nous avons entendu le morceau intitulé New Dawn Fades de l'album On Your Pledges. Juste avant ça, c'était Day of Lore tiré du même album. Et au début du bloc, nous avons entendu Shadow Play. Et sans attendre, nous continuons l'écoute de cet album en commençant par son morceau le plus connu, She's Lost Control. Et tout ça sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières, c'est fou, 89.1 FM. Says it all, she's lost control, and she's clinging to the nearest passerby. She's lost control, and she gave away the secrets of her past and said I lost control again. And of a voice that told her when and where to act, she said I lost control again. Said I've lost control again, and how I'll never know. C'est fou dans vos oreilles. habits and ways, the sense of style and the taste of making sure you were right. Hey, don't you know you were right? I'm not afraid anymore. I keep my eyes on the door, but I remember. Vous écoutez Les Essentiels sur C'est Fou 89.1 et il est bientôt 18h. À l'instant, c'était le morceau Insight, présent sur l'album Unknown Pleasures de Joy Division. Juste avant ça, on écoutait Disorder et en début de bloc, nous entendions le magnifique morceau She's Lost Control. C'est d'ailleurs que là que vient le titre du film Control, retraçant la vie d'Ian Curtis, défunt chanteur du groupe. Le film a été en tête d'affiche en octobre 2007, en octobre 2007 en Europe. Mais il semblerait qu'il ne soit pas sorti au Québec et je trouve ça bien dommage. Donc j'invite tous les auditeurs à essayer de récupérer le DVD ou bien d'aller le prendre sur Internet de façon assez... Enfin bon, nous ne mettrons pas le terme dessus. Il est difficile de parler de Joy Division sans parler d'Ian, le leader du groupe. Plus que ses textes, c'est sa façon de chanter qui attire et qui fédère. Sur scène encore, c'était Ian qui faisait le spectacle. Toujours Ian. Sa façon de danser mécanique était comparable à un état de transe. Eh oui, un état de transe et certains soirs, il s'écroulait en spasmes. Le public appréciait et voyait ça comme une partie du spectacle, mais en vérité, Ian souffrait d'épilepsie. C'est d'ailleurs ce mal qu'il a suivi jusqu'à la fin de sa vie et qui peut expliquer son suicide. Avec Unknown Pleasures, le groupe commençait à se faire reconnaître et pouvait passer d'amateur à pro. Il se lance dans une tournée à travers toute l'Angleterre et même à travers l'Europe en passant par la France, l'Allemagne, la Belgique et Amsterdam. On écoute tout de suite David Bowie, le magnifique. Mais avant ça, on va vous passer un superbe titre qui va vous retracer un petit peu l'atmosphère de l'époque et les inspirations du groupe, et notamment d'Ian Curtis, vu qu'il fait tout dans le groupe. Donc on commence tout de suite par L'Iguane et Iggy Pop, avec le morceau Dumb Dumb Boys, sorti sur l'album The Idiot. What happened to Zeke? Oh, he's dead on a Jones, man. How about Dave? OD'd on alcohol. Oh, what's Rock doing? Oh, he's living with his mother. How about James? He's gone straight.

Eh bien, on sera allé à la barrique, à Trois-Rivières. La barrique, 4170, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes tanné de crier pour commander votre bière? Va te prendre une bière! Va t'en prendre une petite! Vous êtes tanné que votre bière goûte toujours la même chose? Oh non! Pas quand tu paries avec de l'orge! Avec plus de 70 variétés de bières et plus de 30 sortes de scotch et son personnel accueillant qui saura vous conseiller, le trèfle et son ambiance décontractée est la place pour vous. 363 des Forges, ouvert 7 jours sur 7. Belle fun, sir! C'est beau à plus! Taverne irlandaise, le trèfle, 363 des Forges. L'AGR, en partenariat avec CFU 89.1 et votre journal Zone Campus, promet un débat des candidats le mercredi 1er octobre à midi. Et ce, jusqu'à 14h à la Chasse-Galerie. Je m'engage à ce que le débat soit haut en couleur entre les candidats de la région de Trois-Rivières. Sachez, mes chers électeurs, que le débat sera diffusé en direct sur les ondes de CFU 89.1 FM le mercredi midi. Faites un choix éclairé. Au CFU.ca, partout sur la planète. C'était By This River, un morceau présent sur l'album Before After Science, sorti en 1977 et écrit et réalisé par Brian Eno. Brian Eno, c'est un peu le précurseur de la musique d'ambiance. D'ailleurs, les deux albums suivants vont se nommer Ambient One, Music for Airport. Ding ding ding, le vol pour Munich est attendu à 19h. Et Ambient Two, The Plateau of Mirrors. Oh, c'est la maison des ors ? Non, c'est simplement un miroir. Juste avant, c'était le célébrissime David Bowie avec un morceau intitulé Speed of Life, paru sur l'album Low. Enregistré en 77, lors de son exode dans la capitale est allemande, c'est-à-dire Berlin. Et ceci pour s'inspirer de la culture Novorock. Novorock, c'était une musique faite à Berlin qui se rapproche énormément de la New Wave. Donc cet album de David Bowie est découpé en deux phases. Une première partie punk rock, en fait c'est l'enterrement de sa partie punk rock, et la deuxième partie de l'album, c'est justement des musiques expérimentales. Et il a fait pas mal de duos, enfin un des morceaux qui s'appelle Warszawa, qui est le nom polonais de Varsovie. Et un petit rapport avec Warsaw justement, c'est pour ça que je vous présentais David Bowie, Warsaw, Joy Division. Oui. Il y a un lien. Et donc oui, comme je disais, il c'est a fait réfléchi. Des duos avec Brian Eno et aussi le groupe allemand Can. Comme une canne à feu, je sais pas quoi. Alors, le premier titre du bloc était Dumb Dumb Boys, chanté par l'iguane Iggy Pop sur son album The Idiot. C'est d'ailleurs cet album qui a été retrouvé près du corps de Ian Curtis. Il tu vois mort. Encore le rapprochement. Je suis absolument génial sur les rapprochements. Ouais, et donc vous êtes toujours en compagnie de Cam et de Dame. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Et avant d'aborder le dernier album de Joy Division intitulé Closer, nous allons entendre certains titres apparus sur quelques maxi du groupe, notamment Transmission édité en 79 et Atmosphère édité en 1980. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est fou, 89.1 FM. dans vos oreilles. Thank you.

up, I crash some more. Pray to God, make it quick, watch him fall. This is the way, step inside. This is the way, step inside. This is the way, step inside. Sound right. C'est fou dans vos oreilles. Yeah. C'est parti. Nous venons d'entendre Heart and Soul de l'album Closer, et précédemment c'était Colony du même album, et en première partie du bloc c'était Atrocity Exhibition, et nous allons poursuivre l'écoute de l'album Closer avec Passover and Maids to an Head. Thank you for the accent. Yeah, you got it. Special Joy Division. On continue tout de suite sur Radio C'est Fou 89.1. Comes to a close, brutally taking its time. People who change for no reason at all, happening all of the time. Can I go on with this train of events, disturbing and purging my mind? Back out of my duties when all's said and done, I know that I'll lose every time. God-given ways, safety is sat by the fire. Sanctuary from these feverish smiles, left with a mark on the door. Is this the gift that I wanted to give? Forgive and forget what they teach. Oh, pass through the deserts and wastelands once more, and watch as they drown by the beach. Vous êtes toujours sur l'émission Les Essentiels avec la spéciale Joy Division. Juste à l'instant, c'était les morceaux Passover et Isolation apparus sur l'album de Joy Division intitulé Closer en 1980. Nous sommes en mai 80 et le groupe s'apprête à partir à faire une tournée aux États-Unis. Mais le 18 mai 1980, Ian Curtis est retrouvé mort par pendaison dans sa chambre. Non, dans sa cuisine, il me semblait. Il s'est pendu avec une corde à linge. C'est ça ? Sûrement. Sûrement. Merci pour cette réponse concrète. Et nous abordons tout de suite pour clôturer en beauté la première essentielle spéciale Joy Division. On termine ça avec Love Will Tear Us Apart, le morceau phare de Joy Division. Tout de suite sur les essentiels, c'est fou, 89.1. I'm C'était Joy Division avec Love Will Tear Us Apart. Il est bientôt l'heure de nous quitter, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous laisse en compagnie de Sébastien Caron pour son émission No Buzz. Alors un petit teaser pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous faisons un spécial nouvelle scène parisienne, rock, électro, rap. Non, on va pas faire du rap. On va pas s'abaisser à ça, Damien. Donc on va faire une spéciale Bébé Brune, les Plasticines, les Putains Franges et pas mal d'autres groupes parisiens qui déchirent à max. C'était Cam et Dame pour la première des essentiels spéciales Joy Division. Je vous dis à toutes et à tous, bonne soirée. Au revoir. Le boss, d'écoute. C'est le boss, le...